بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد ذكر بعض العلماء أن غير التراب قد يقوم مقام التراب خاصة في هذه الأزمنة مع وجود الصابون وغيره من المنظفات القوية. Et donc certains savants ont dit que certains éléments peuvent remplacer la terre. Rappelez-vous, on a vu hier le hadith stipulant que lorsque le chien va s'abreuver dans un récipient, alors il faut laver celui-ci 7 fois, et dont la première avec de la terre. Et donc, toujours sur ce même sujet, certains savants disent que certains éléments peuvent remplacer la terre, particulièrement à notre époque, durant laquelle il y a donc le savon et autres éléments qui peuvent être utilisés comme les éléments de nettoyage qui sont puissants, détergents et autres. وهو اختيار الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى c'est le choix du شيخ ابن العثيمين qu'Allah lui fasse miséricorde. لكن في الحقيقة الأحوط أن نتمسك بالنص. Cependant, en réalité, le plus sûr est que on s'appuie sur le texte. Le texte nous a donc précisé la terre, et donc il est plus sûr d'utiliser la terre. Pourquoi ? Comme il dit Cheikh Al-Uthaymeen lui-même, لِأَنَّكَ لَوْ اِسْتَعْمَلْتَ التُّرَابَ لَنْ يَأْتِيَ أَحَدٌ يَقُولُ لَكَ أَنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ. Car si tu utilises la terre, personne ne va venir te voir pour te dire que tu t'es trompé. Tandis que si tu utilises autre que la terre, là, il va falloir préparer ton argumentation. Inch'Allah ta'ala. Et c'est là qu'on va rentrer dans un débat. Pour te reposer l'esprit de tout ça, alhamdoulilah, tu utilises la terre. Et khalas. L'histoire, elle est réglée. Wa yustafadu min al-hadith anna al-kalb haram. Nous pouvons aussi tirer de ce hadith comme leçon que le chien est interdit, c'est-à-dire à manger. Wal-qa'ida kullu najisin haram. وَلَيْسَ كُلُّ haram najis. Et certes, la règle est que tout ce qui est impur est interdit à manger. Mais ce n'est pas tout ce qui est interdit qui est impur. Qui me donne un exemple pour cette règle? Et donc, le khamr, il est impur à la colle, alors il est interdit. Tout ce qui est impur est interdit. Et tout ce qui est interdit n'est pas impur. Un autre exemple pour ça? Hein? Le khamr toujours? À la kol akhar? Hein? Naam. Comme on a par exemple, kullu vi nabin min as-sibar, etc. Donc, toutes les bêtes féroces et autres qui ne sont pas forcément impurs, mais qui nous sont interdites. Wal hadith al-thamin. Alhamdulillah, je suis content, on arrive au 8e hadith. Pourquoi? Parce que les frères qui font le hifz, lorsqu'on leur dit, il y a 8 hadiths à mémoriser, ah mince, tu sais, j'avançais en même temps que toi. Donc, vu que tu avais fait 5 hadiths, j'ai fait que 5 hadiths. Là, Inch'Allah ta'ala, ce samedi, faudra pas me dire j'ai fait que 5 hadiths. Là, on a fait les 8. Alhamdulillah. Il y a 8 hadiths à apprendre, on est arrivé au 8e hadith. Taïm. Fait le hadith au thamin. An Humran, Mawla Othman ibn Affan, radiallahu anhu. Et donc, selon Humran, Mawla Othman ibn Affan. Ça veut dire quoi, Mawla? On a déjà vu que Mawla, il a beaucoup de signification. Et donc, tu nous as cité le Khadim, donc le servant. Quoi d'autre? Quoi d'autre? On va demander aux arabophones. Mawla. Et qu'est-ce qui est voulu ici? Non. Al-Mawla. Aïe anna Othman a'taqahu. C'est-à-dire que Othman, il l'a libéré. C'était un esclave. Omran était un esclave. Othman, radiallahu anhu, il l'a libéré. Et donc, Omran, quand on parle de lui, on dit Mawla Othman. C'est-à-dire que Othman l'a libéré. Et donc, vous connaissez donc par rapport à l'héritage. Par rapport à l'héritage, il y a aussi donc un chapitre qui est lié à cela. On le verra par la suite, bi'idhnillahi ta'ala. Peut-être même qu'on fera un séminaire spécifique sur les règles de l'héritage, afin d'aborder aussi ces sujets importants. Et donc, Annahu ra'a Othman da'a biwado, ou biwudu. Wado. Ok. Et donc, que Humran, il a vu Othman demander de l'eau. El Wado, c'est pas le Wado. Il a demandé donc de l'eau pour faire ses ablutions. Fait afraga ala yadayhi min ina'ihi. Il a donc versé un peu donc d'eau sur ses mains. Farasalahuma thalatha marrat. Il les a donc lavés trois fois. Et dans une version, thalathan. Thumma adkhala yaminahu fil wado. Et ensuite, il a fait rentrer sa main dans l'eau. Thumma tamadmada wastanshaka. Et ensuite, il a fait la madmada, faire rentrer l'eau dans la bouche, remuer cette eau. Wa el istinshak, rentrer l'eau dans le nez. Wal istinthar, faire sortir l'eau du nez. Et la suite du hadith. On va s'arrêter là pour le moment. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on verra aujourd'hui, inshallah ta'ala. وهذا الحديث فيه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتم. Et donc ce hadith, comme vous avez pu le constater, il y a en cela la description des ablutions que faisait le prophète صلى الله عليه وسلم. On n'a pas lu la fin, mais à la fin du hadith, Othman il dit: فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. J'ai vu le prophète صلى الله عليه وسلم faire ses ablutions comme j'ai fait les miennes. D'accord? Et donc dans ce hadith, il y a la description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa fihi masail. Il y a plusieurs points importants à voir ici. Awalan, quel point on va voir au début? Les mains. Les mains? Al-Basmala. Premier point, la Basmala. Alors, la Basmala. Wajibatun, awlisat bi wajiba. La Basmala, le fait de dire Bismillah au début des ablutions, c'est obligatoire ou? C'est pas obligatoire. L'homme yadhkur fi hadith. Donc il ne l'a pas cité ici. Othman, quand il a fait ses ablutions, il n'a pas cité le basmala. Fait quand dhahabat al-dhahiriya ila wujub al-basmala. Al-Zahiriya wa ghayrahum min al-ulama. Et donc, les savants de l'école Zahirite, Zahiriya, et d'autres savants qui les ont suivis par la suite, ils voient que le fait de prononcer la Besmela au début des ablutions est obligatoire. Wastadallu bi hadithin akhrajahu l'imamu Ahmed wa Abu Daoud an Abi Hurayra radiallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. Et donc ils se sont appuyés à Zahiriya sur un hadith qui a été cité dans le recueil de l'imam Ahmed, Abu Daoud et d'autres, selon Abi Hurayrata, radiallahu anhu, qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: il n'y a pas d'ablution pour celui qui n'a pas cité le nom d'Allah en les faisant. Il n'y a pas d'ablution pour celui qui n'a pas cité le nom d'Allah en les faisant. Wa hadha al-hadith hassanahu Ibn Kathir wa Ibn al-Qayyim وغيرهم من العلماء. Et ce hadith il a été jugé correct par Ibn Kathir dans son tafsir, ainsi qu'Ibn al-Qayyim et d'autres savants. وضعفه علماء آخرون. Et d'autres savants l'ont jugé faible, comme l'imam Ahmed, rahimahullah. L'imam Ahmed, il nous dit, لم يثبت في هذا الباب شيء. Il nous dit, l'imam Ahmed, il n'y a aucun hadith qui soit authentique dans ce sujet. Quel sujet ? Le fait de dire que celui qui ne cite pas la besmela en faisant ses ablutions ne sont pas valables. L'imam Ahmed, il dit qu'il n'y a aucun hadith qui soit authentique dans ce sujet. Wa ala kulli hal, al-hadith lahu turuq kathira. وهذه الطرق كلها فيها كلام لكنها بمجموع لكنه بمجموع طرقه قد يلتقي الى درجه الحسن. Cependant, ce hadith, il y a beaucoup de chaînes de transmission. Toutes les chaînes de transmission ont certaines faiblesses. Cependant, le hadith, par ces chaînes de transmission qui sont multiples, peut, wallahu a'lam, monter au degré de Hassan, l'Iraïri. Et c'est là qu'on va avoir la divergence. Quand on a ce genre de problème, c'est un gros sujet de divergence entre les ulémas du hadith. Quand on voit donc un hadith où plusieurs chaînes de transmission sont faibles, mais qu'il y a plusieurs chaînes de transmission pour le même hadith, est-ce que ces chaînes de transmission se renforcent les unes les autres ou pas? C'est un sujet un peu complexe, des recherches un peu compliquées, mais ala kulli hal, القائلون بالوجوب استدلوا بهذا الحديث وقالوا إنه صريح في وجوب الوضوء. Et donc ceux qui disent que il est obligatoire de faire ces ablutions, ils se sont basés sur ce hadith et ils disent qu'il est clair dans le fait de dire que il est obligatoire de dire de prononcer la besmela au début des ablutions. Celui qui ne fait pas, il recommence ses ablutions. والقائلون بسنية البسملة. Et ceux qui disent que la besmela n'est pas une obligation, mais que c'est une sunna, qui sont-ils? Alors, allez, qui sont les malikiyoun? Chaque fois, je demande pour les malikiyoun. Qui sont-ils? Le malik. L'imma al-arba'a. Et donc, les quatre écoles. Les quatre écoles, ils voient que c'est une sunna de prononcer la besmela, ce n'est pas une obligation. Quelles sont leurs preuves? Premièrement, ils se basent sur le verset Ayatul Wudu. Ya ayyuhalladhina amanu idha kumtum ila salati farsilu wujuhakum wa aydiyakum. Oh, vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la prière, alors lavez vos visages et vos mains. Elle est où la preuve ici? Elle est où la preuve dans ce verset? Anna Allah tabaraka wa ta'ala lam ya'murhum bil basmala. Le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, il ne leur a pas ordonné de prononcer la basmala. Ils ont dit Allah azza wa jal dhakara fi hadhihi al-aya arkan al-wudu. Allah il a cité dans ce verset les piliers des ablutions, les obligations des ablutions. وَلَمْ يَذْكُرِ الْبَسْمَلَةِ. Il n'a pas cité la basmala. La basmala est donc une sunna. وَذَكَرُوا أَيْضًا أَنَّ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ وَصَفُوا لَنَا وُضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَذْكُرُوا الْبَسْمَلَةِ. Ils ont dit que tous les compagnons qui nous ont décrit la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait ses ablutions, aucun d'entre eux n'a cité la besmela. Et parmi eux, il y a Uthman, avec le hadith qu'on étudie aujourd'hui. Et donc après, il se peut que on dise oui, mais ils n'ont pas entendu. Ou alors la personne qui les a dit, les personnes qui les a vus faire ne les a pas entendus prononcer. Sauf que, comme on le verra plus tard, il y a des hadiths qui stipulent qu'on voit le compagnon faire. Et il y a des hadiths qui stipulent que le compagnon lui-même, il parle. Lui-même, il prononce. Il fait comme ça, et comme ça. Ra'aytu Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faire comme ça, et comme ça, et comme ça. Aucun n'a cité la basmala. Alors que c'est des personnes qui nous citent les ablutions de façon complète. Et donc, la chèque ya ikhwa, il n'y a pas de doute que cet avis est quand même un avis qui pèse et qui est important de prendre en compte. Walakin, cependant, la yanbari lil muslimi an yatrukal basmala. Cependant, il ne convient pas aux musulmans de délaisser la basmala. Malheureusement, certaines personnes, lorsqu'ils étudient le fiqh et lorsqu'ils étudient la jurisprudence, ils ont une mauvaise compréhension. Ils pensent que lorsque tu apprends que quelque chose c'est une sunna, ça veut dire que tu ne dois pas le faire. Ça y est, khalas, j'ai appris que c'est sunna, je ne le fais pas. Comme il y en a un qui est venu me voir une fois pour me demander concernant donc le fait de se raser les cheveux ou la barbe ou, excusez-moi, raser les cheveux ou les poils avant l'Aïd. Il me dit, c'est une obligation, c'est une sunna. Pourquoi? Non, parce que il faut savoir si c'est une obligation ou si c'est une sunna. Pourquoi? Si c'est une sunna, tu ne le fais pas? Cheikh Ibn Uthaymin, il dit, هذا سؤال أصلا بدع. Cette question à la base, c'est une innovation. Et sahaba kanou la yas'alouna an hadha. On demande à ce concernant cela lorsque une personne, elle a oublié. La personne, elle ne l'a pas fait. À ce moment-là, on te dit, c'est une sunna, c'est pas une obligation, tu n'as pas besoin donc de recommencer, il n'y a pas d'expiation, etc. Mais le fait de demander, est-ce que c'est une sunna ou une obligation, pourquoi on te dit c'est une sunna, tu le fais pas? Là, il ne faut pas délaisser les sunnas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est le premier problème. Deuxième problème, lorsqu'ils étudient le fiqh, ils commencent à voir, ah naam, al-Zahiriya il dit ça, al-Shafiriya il dit ça, Foulan il dit ça. Et donc, il y a divergence. Dès qu'il y a divergence, ça veut dire que je fais ce que je veux. Il y a divergence. Non, c'est pas comme ça. C'est pas, il y a pas, il y a divergence de toute façon, c'est bon, là. Elle a fait khilaf. Il y a divergence, c'est bon, je fais comme je veux. Non, c'est pas comme ça. Allez, Kabit Dalil, tu restes avec la preuve. La divergence, elle est présente, certes, entre les ulémas. Toi, aujourd'hui, est-ce qu'on t'a montré une preuve ou pas? Si on t'a montré une preuve, tu restes avec la preuve. C'est important. Il faut donc avoir une bonne compréhension des divergences que l'on voit entre les ulémas. Wa amma hadith Abu Huraira. Et par contre, le hadith de Abu Huraira, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce hadith? La wudu aliman lam yadhkur isma Allah alayh. Il n'y a pas d'ablution pour celui qui n'a pas cité le nom d'Allah sur celle-ci. On va finir avec, même si on n'aura pas fini tout ce qu'on voulait voir, mais, alhamdulillah, on a quand même abordé pas mal ce soir. Et donc, dernier point. Comment est-ce qu'on va répondre par rapport à ce hadith? Le hadith qu'a utilisé qui? Al-Zahiriya. La wudu aliman lam yazkur isma Allahi alayh. Il n'y a pas d'ablution pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah dessus. Est-ce que vous allez dire, hadith d'arif, c'est bon, c'est fini. Non. Non, non. Il y a une grosse divergence là-dessus. Et, Wallahu alam, ceux qui disent que le hadith il est correct ont quand même de gros arguments. Donc alors, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça, Cheikh Ouna? Allahu alam, le hadith n'est pas bi sarih fi dhikr al basmala, bal huwa sarih fi dhikr bismillah azza wa jalla. Non. Non, non, je vais donner une autre réponse. T'as Al-Kamel. Nafiul Kamel. Ce qui est voulu par là, c'est le fait de nier les ablutions d'une façon complète. Les savants, ils nous disent La wudu akamil. Liman lam yadhkur isma Allahi alayh. Il n'y a pas d'ablution parfaite pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah sur celle-ci. Il n'y a pas d'ablution complète pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah sur celle-ci. Et donc, si tu veux que tes ablutions soient parfaites, tu les fais donc avec toutes les obligations et tu n'oublies pas de citer le nom d'Allah dessus. Et donc, c'est là qu'on revient à notre sujet. La yanbari lil muslim an yatruk al basmala. Il ne convient pas aux musulmans de délaisser la basmala concernant les ablutions. Cependant, le problème, c'est s'il ne la fait pas, et qu'il vient nous demander, il va falloir qu'on trouve une preuve pour lui dire qu'elle est obligatoire. Il va falloir qu'on trouve une preuve pour dire qu'elle est obligatoire. Et c'est pour cela qu'on va lui dire, tes ablutions sont authentiques, sont correctes. Inch'Allah ta'ala, pas besoin de les refaire. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين